Jean Ollier, Pensée choisie. Deuxième partie, culte de la très sainte Vierge. Texte inédit publié par Georges Le Tourneau, édition Le Coffre et Gabaldin 1916, markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org, Université de Toronto, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Pour les besoins de la synthèse vocale, le latin est traduit. Chapitre 3. Pratique pour honorer la Sainte Vierge. Sentiment de piété envers Marie. J'adorerai l'Esprit de Jésus remplissant le cœur de Marie des dispositions les plus pures, et des sentiments les plus saints par lesquels une créature puisse honorer Dieu sur la terre. J'invoquerai ce même Esprit, pour entrer en participation de cette vie divine, je demanderai spécialement le profond anéantissement dans lequel a toujours vécu ma Sainte Mère, et cette pénitence intérieure à laquelle son amour pour Dieu et pour le genre humain l'obligeait à se livrer sans cesse. Je me tiendrai encore uni à l'Esprit qui l'animait, pour adorer avec elle la très auguste Trinité, pour la louer, l'aimer et la glorifier en toutes ses perfections, pour la remercier de toutes les grâces dont elle a comblé les hommes, qu'elle a tirées du néant, qu'elle a rachetées par Jésus-Christ, et sanctifiées par son Esprit, pour lui offrir, en la Sainte Vierge, tout ce que je suis, tout ce qui m'appartient et tout ce qui peut dépendre de moi, comme mes pensées, mes désirs, mes paroles et mes œuvres. J'offrirai encore, en elle, toute la Sainte Église qu'elle donne à Dieu incessamment, comme étant avec elle une seule hostie à la gloire de Dieu. Enfin, je demanderai à ma bonne mère qu'il lui plaise me faire la grâce de passer tout ce jour et toute ma vie dans l'abnégation totale de moi-même, en adhérence parfaite à l'Esprit de son Fils pour marcher en la perfection de ses voies. Tout offrir à Marie, toujours agir en sa dépendance. J'ai été un des premiers à contribuer, pour quelques sommes notables, à la décoration de l'église de Notre-Dame de Paris. Depuis, je lui ai fait, de temps en temps, quelques présents, et bien souvent sans le vouloir. Car aussitôt que j'avais quelque chose de précieux, je sentais en mon cœur le désir de le porter à Notre-Dame, et la force de ce désir me transportait tellement, qu'il fallait m'exécuter comme par force. Je ne sais comment on peut refuser quelque chose à cette grande maîtresse. Ses serviteurs eux-mêmes ont sur moi un tel pouvoir, que je leur accorde toutes leurs demandes. Ils sont à la grande maîtresse, c'est assez. J'éprouve une peine très vive, quand je ne puis rien donner à un pauvre qui parle de la Sainte Vierge, ou la nomme de quelque façon que ce soit. Si je n'ai point d'argent, je donne pour l'ordinaire autre chose, comme un mouchoir, un livre, une médaille. Pour refuser ce qu'un malheureux me demande en son nom, il faut que je ne puisse en aucune façon lui procurer du secours. En un mot, ce nom m'est si auguste et en si grande vénération, que tout en moi y cède. Je n'ai jamais osé me servir d'aucune chose, comme de chapeau, de vêtements, sans lui en avoir consacré le premier usage. J'allais même plus loin, je n'osais rien faire sans l'avoir prié auparavant de me le commander. Je me sentais obligé d'agir ainsi, en ma qualité d'esclave qui ne veut rien avoir ni faire par soi-même. Me voyant seul à user de cette pratique, il m'est arrivé de croire que c'était une faiblesse, une niaiserie et une trop grande sujétion. Mais quand j'y manquais, dès le jour même, ou fort peu de temps après, mes hardes se perdaient, ou se brûlaient, ou se déchiraient, et cette peine visible m'avertissait de me corriger de ma faute et de n'y plus retomber. La Sainte Vierge a ses devoirs pour très agréables, quand ils lui sont rendus uniquement pour lui plaire. Dernièrement, étant allé à Notre-Dame, je voulus un peu contester contre cette suggestion, Et ma sainte maîtresse me témoigna se plaire davantage dans ses petits devoirs que dans des emplois plus éminents, où l'on manque assez ordinairement de pureté d'intention, ce qui me confirma beaucoup dans ses pratiques, et me fortifia dans mes faiblesses. Je me souviens des souhaits que je faisais, dès ma jeunesse. Je désirais d'être prosterné dans le ciel, au pied de la très sainte Vierge, pour chanter ses louanges et les faire entendre à tout le paradis. Aller à Jésus par Marie, c'est là tout mon refuge, c'est là toute mon espérance, c'est là que je n'ai jamais manqué de trouver notre Seigneur propice à mes désirs. Ce n'est qu'en elle que nous devons aller à Jésus, comme nous ne devons approcher de Dieu qu'en son Fils. Nous sommes trop misérables pour avoir par nous-mêmes aucun accès, mais quand nous sommes en Jésus, le Père, qui nous voit unis à son Fils, nous aime, nous écoute et nous est favorable. De même quand, unis à la Sainte Vierge, nous allons en elle à Jésus, il ne peut rien nous refuser. Demandez donc à Jésus au nom de sa très sainte mère, c'est le moyen d'obtenir toujours ce qu'on requiert. Le Père éternel, ayant établi Marie médiatrice du don sacré de son Fils à l'Église, et l'ayant rendue dépositaire amoureuse et fidèle de son trésor pour la rédemption des hommes, apprend par là à tous les fidèles à aller le trouver dans ce tabernacle et dans ce sanctuaire, où il habitait et où repose l'objet de toutes ses complaisances. Comme ce sanctuaire vivant, ce ciboire animé, lui rend en lui-même une religion, une adoration, un amour plus parfait que les devoirs de tous les anges et de tous les saints du ciel et de la terre, il en fait son lieu de délices. C'est le temple où il reçoit avec le plus de plaisir les hommages dus à sa majesté, et où il accepte avec le plus de bonté tous les respects des hommes, quand ils s'unissent à ce chef-d'œuvre de ses mains. Honorer Jésus en Marie. Le moyen le plus efficace d'honorer notre Seigneur est de lui plaire et de l'adorer et de le contempler en sa Sainte Mère. Il habite en elle avec ses pouvoirs, ses grandeurs, ses richesses, ses splendeurs, il prend en elle ses délices et, en dehors du sein de son Père, nul séjour ne lui plaît comme l'âme de sa mère. Aussi ne peut-on lui être plus agréable qu'en le contemplant et en l'adorant dans cette arche d'alliance, réservoir universel de toutes ses grâces. Il y réside comme dans le trône où il distribue tous ses bienfaits. Toute bénédiction reçue de lui a une suavité qui exprime le goût et la saveur du canal par lequel cette onction précieuse et ce baume sacré sont répandus. Jésus-Christ donc qui a reçu la plénitude de la vie de son Père, la communique en l'abondance qui lui plaît. Pour cela il vit en sa divine mère, la rend mère des vivants et source universelle de la vie divine qu'il tient en elle, comme en dépôt, pour la distribuer par elle à tous les membres de l'Église. Aussi les saints que Dieu est destiné pour renouveler la piété des fidèles, persuadés que tous les biens devaient descendre en eux par Marie, l'ont toujours honorée comme leur tutrice, leur patronne et leur avocate. C'est pourquoi lorsqu'on veut prier et travailler pour le renouvellement de la foi dans les âmes, et surtout dans le saint clergé, qui est-ce que Dieu demande visiblement en ce temps, il faut aller à Marie pour y trouver Jésus, dans le très adorable mystère de Jésus en Marie. Ceux qui ont parlé de la dévotion à Marie comme d'une dévotion très agréable à notre Seigneur, ont, ce semble, laissé encore un pas à faire. Ils ont considéré Jésus avec Marie, mais il faut le regarder encore en Marie, comme en l'achèvement de son amour et de ses complaisances. C'est là qu'il habite, comme en une source de grâce pour son Église. N'est-il pas en Marie l'apôtre de son Père? N'est-il pas en elle tout plein d'ardeur, d'amour pour animer sa religion en la terre? La Sainte Vierge en Jésus n'est-elle pas tout embrasée de charité et de zèle, pour faire honorer et glorifier Dieu par tout l'univers? N'est-elle pas possédée de l'esprit apostolique plus que tous les apôtres? Jésus est en elle d'une manière bien plus parfaite qu'en un saint Pierre, qu'en tous les saints, qu'en l'Église tout entière. C'est donc une dévotion profitable et solide, selon l'ordre établi par Dieu, d'aller à Marie comme à la hiérarchie première où Jésus habite en plénitude, pour se donner aux hommes. Il faut s'adresser et s'unir à elle comme à l'apostolat universel, comme au trône où réside Jésus, apôtre de tout le monde. En elle et par elle, ce divin sauveur distribue invisiblement son esprit et ses grâces à ses disciples et aux prédicateurs de son évangile. C'est pourquoi, bien qu'il n'ait pas permis qu'elle fût présente à la scène pour être faite visiblement prêtre, il a voulu qu'elle fût au cénacle pour recevoir l'esprit et la grâce apostolique. Par là il faisait entendre à l'Église qu'elle ne serait jamais renouvelée que par la participation à l'Esprit de Marie, esprit que, selon saint Jérôme, elle ne reçut pas avec mesure, comme les disciples et les apôtres, mais en toute sa plénitude. Ainsi elle était toute possédée de Jésus-Christ, et ce divin Sauveur la vivifiait de tout lui-même et lui communiquait tout ce qu'il est. Saint Paul, animé de l'Esprit de notre Seigneur, avait une portion de la vie du Fils de Dieu. Saint Pierre, établi chef de l'Église, pouvait dire aussi bien que Saint Paul, « Je ne vis plus, c'est Jésus qui vit en moi. » Galates 2, 20. Mais quoiqu'ils fussent absorbés en leur divin Maître, ces saints apôtres ne possédaient néanmoins qu'une portion de sa vie divine. Les autres apôtres, qui avaient eux aussi reçu les prémices de l'Esprit Saint, n'y avaient part que selon la proportion de sa sagesse et de son amour pour chacun. Mais la très sainte Vierge ne le reçoit pas de la sorte. Notre Seigneur, habitant dans son âme en toute l'étendue de son amour, l'anéantit en tout ce qu'elle est pour l'établir en ce qu'il est lui-même, il la pénètre, la change et la consomme. Il n'est pleinement satisfait que lorsqu'il s'est donné entièrement à elle. Son Père a fait passer en lui tout ce qu'il est, et lui, à son tour, accomplit parfaitement en sa Sainte Mère la promesse qu'il a faite aux âmes fidèles, de vivre en elle et de les faire vivre en lui, comme son Père vit en lui et qu'il vit en son Père. Il est tout en elle et opère par elle tous les biens de l'Église. Ainsi, au jour de la Pentecôte, Marie devient, par la vertu du Saint-Esprit, comme le réservoir de tous les bienfaits et de toutes les richesses de la grâce. Elle est le chandelier à cette branche qui illumine tout le temple de Dieu, et qui l'éclaire par la diffusion des dons et des lumières dont elle est remplie. Oh, qu'heureuse est l'âme qui peut entrer en participation de cette sainteté envers Dieu, de ce zèle envers l'Église, de cette perte de soi-même en Jésus, pour la gloire de son Père et pour l'établissement de son royaume dans les âmes. Ô Jésus, qui vivez en Marie en la beauté de vos vertus, en l'éminence de vos pouvoirs, en la splendeur de vos richesses, donnez-nous part à cette sainteté qui l'attache uniquement à Dieu, communiez-nous au zèle qu'elle a pour l'Église. Revêtez-nous universellement de vous, pour que nous ne soyons rien en nous, pour que nous vivions uniquement, comme elle, à la gloire de votre Père. Dévotion des prêtres et des clercs pour Marie. Le premier motif qui doit porter les clercs à honorer Marie est l'amour que lui porte notre Seigneur. Si l'Esprit de Jésus vit en nous, comme il ne peut y être oisif ni inutile, et qu'il remplit de ses inclinations les âmes où il réside, il vivifiera et animera nos cœurs au sentiment d'amour envers sa Sainte Mère. Car après l'amour de son Père, son amour le plus pressant est celui de sa Mère. Le second est l'amour extrême de Marie pour Jésus. Comme elle est toute pour lui, qu'elle n'a d'être, de vie et de mouvement que pour lui, qu'elle ne respire, ne voit, ne parle et n'opère intérieurement et extérieurement que pour lui, une âme unie à elle se sent aussitôt portée à Jésus, et entre dans ses voies saintes, ardentes et divines du pur amour de Jésus, qui est tout le trésor du prêtre. Le troisième est l'efficace de Marie pour attirer les âmes à Jésus, elle est, selon l'expression des pères, pêcheur spirituel, confère saint Épiphane, saint Bruno, saint Anselme, saint Jean de Damas, saint Bonaventure. Dieu, qui veut attirer les âmes à son Fils, se sert des charmes de Marie comme d'un appât, pour prendre les hommes. Les prêtres trouveront en elle la suavité nécessaire pour amener les âmes à Jésus-Christ. Le quatrième enfin est que Marie est mère de Jésus. Comme mère, elle a la fécondité pour le produire dans les âmes, et les prêtres, qui sont obligés de le former dans les cœurs, doivent, pour y réussir, participer à cette vertu de Dieu le Père en elle. Note. Nous n'avons pas cru devoir reproduire ici tout ce que dit le serviteur de Dieu sur la dévotion du séminaire de Saint-Sulpice envers Marie. Ces belles paroles se trouvent dans le récit de sa vie publié par Monsieur Fayon ou par Messieurs Monnier et Lévesque. Fin de la note. Diverses pratiques de piété. Je n'ai jamais manqué d'aller les samedis dire la messe en son église. Quand je l'ai omise autrefois, j'ai été si maltraité intérieurement et extérieurement par les mauvais succès qui m'arrivaient ces jours-là, que je n'ai osé depuis lors omettre ce devoir. J'ai gardé fidèlement une pratique que m'avait permise mon défunt directeur, c'est d'honorer en mon particulier les samedis comme des jours de fête. Je ne fais rien et ne veux rien commander à autrui ce jour-là, que je ne voulusse faire le dimanche. J'ai été toujours assez fidèle à cette sainte pratique, elle m'a souvent incommodé, mais elle ne m'a point fait de tort. Au contraire, par la grâce de Dieu, j'en ai reçu beaucoup de consolation. Tandis que lorsque, n'ayant pas encore l'approbation de mon directeur, je voulais employer des ouvriers en séjour, il ne manquait point de gâter quelque chose. J'espère, un jour, que son saint nom sera béni à jamais dans notre pauvre maison. Elle en est la conseillère, la présidente, la trésorière, la princesse et toute chose. J'ai une pratique inviolable. Quand j'entre dans ma chambre ou que j'en sors, quand je vais me mettre au lit, ou aussitôt après m'être levé, je prie ma sainte mère de daigner me bénir. Je me sens un cœur d'enfant pour elle. Depuis 9 ou 10 ans, je n'ai point manqué, en sortant de Paris ou en revenant, de me présenter devant elle, pour recevoir sa sainte bénédiction. Jamais je n'ai osé entrer dans un lieu ou en sortir, sans lui aller rendre mes premiers et mes derniers devoirs. J'admire comment tout le monde ne le fait pas, et comment on ne périt pas, faute de cela. Cette bénédiction, que je vais recevoir à l'église avant mes voyages, me réussit tellement que je n'y éprouve jamais de disgrâce. Partant une fois pour l'Auvergne, j'allais, à mon ordinaire, prendre congé de la Sainte Vierge que j'appelais ma mère. Dès que je fus devant son image, elle me répondit, « Mon enfant !» Je la priai de me bénir et elle me combla de caresses. Je partis ensuite et je fis 10 ou 12 journées sans avoir une heure de pluie ou de soleil. En cela, elle me secourut beaucoup, car je n'avais pas coutume de faire à cheval de si longs trajets. Je m'estime heureux d'avoir une mère qui se nomme Marie, d'être né dans une rue qu'on appelle Notre-Dame d'Argent. Tout ce qui me rappelle la Sainte Vierge me remplit de joie. Souvent, par les rues, je me sentais porté à lever la tête pour découvrir quelque nouvelle image de Notre-Dame. J'en savais presque le nombre dans les lieux de Paris où je passais. Un jour, j'entrai sans réflexion dans une rue où inopinément j'en aperçus 3. Par un élan qui sortit de mon cœur sans y faire réflexion, je m'écriai, « Ah, ma toute belle !» Et tout le long du chemin je prononçais toujours ces mêmes mots, « Ma toute belle, ma toute belle !» Depuis, quand je trouve ces images, je les salue encore, sans les voir, ni les regarder, parce que la modestie ne le souffre pas. Je ne sais quel instinct m'avertit de leur présence. Si nous l'aimions comme il faut, nous tâcherions sans cesse de nous conformer à ses désirs, et comme elle ne souhaite rien plus ardemment que de voir honorer son fils, nous n'aurions pas de pratique plus ordinaire que d'aimer notre Seigneur et de nous rendre fidèles à ses commandements et à ses conseils. Sans cela notre amour pour elle est bien faible, puisque l'amour tend toujours à satisfaire celui qu'on aime. Que cette dévotion est pure et solide, qu'elle est dégagée de ses superstitions et de ses vains amusements qui trompent les pécheurs et leur persuadent, sous l'apparence de quelques pratiques extérieures, qu'ils sont dévoués à Marie, quoiqu'ils n'aient aucun amour pour Jésus-Christ.